Quand elle bouge, se balance, quand elle me met en transe. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Ma nana a toujours les plus belles fesses. Dans les jeans naturels, dans les robes, elles sont belles. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Les plus belles fesses, elles sont lisses, me reposent, je m'enivre de leur pose. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Ma nana est toujours la première qui me vexe, qui m'excite, qui me cherche, qui me trouve, qui me perd. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Les plus belles fesses, quand elle bouge, se balance, qu'elle remue et qu'elle danse. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Ma nana est toujours la première qui m'énerve, c'est elle qui croit toujours savoir comment je dois faire. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Et des boum, et des bangs, et des bing, et des règles. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Dans les grands airs, dans les univers, on saura se retrouver. Rien que toi et moi. Quand elle bouge, se balance, qu'elle remue et qu'elle danse. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Ma nana a toujours les plus belles fesses. Dans les jeans naturels, dans les robes, elles sont belles. Ma darling, ma darling, ma darling, ma darling. Mon amour, mon amour, mon amour. Dans les grands airs, sur terre et sur mer, on sera toujours très gardé.